matinale dédiée au monde de la route, c'est avec Daniel sur la web radio des camionneurs du cœur. Voilà, donc Stéphane, on est en ligne avec monsieur Pépito Cargomatic. Bonjour. Voilà, salut Pépito. Bonjour. Ben voilà, bonjour, écoute. Pépito. Voilà, nous on a dit, t'as la radio, elle est rien que pour toi, fais ce que tu veux, passe des messages, lance un appel à ce que tu veux, voilà, allez, on va parler un petit peu de toi. C'est gentil mon ami. Déjà, je voulais remercier déjà tous ceux qui tous les restaurateurs qui ont répondu présent via le groupe que j'ai créé pour nous servir à manger, pour être là pour nous, hein, c'est important. Je sais très bien que malheureusement, c'est pas en cette période qu'ils vont gagner beaucoup d'argent. Ils vont peut-être juste arriver à survivre, mais au moins ils sont là pour nous. Rien que ça, c'est déjà super, super important. Moi, je voudrais te donner aussi, parce que ce qui est très important, et j'aime ce que tu as fait, parce que je suis un gars de la route, je suis comme toi, avoir remis au goût du jour... avoir créé cette page Covid-19 les restaurants routiers, franchement il fallait avoir l'idée, et ça avec toi, avec tes administrateurs, avec tous ceux qui viennent te voir et qui mettent leur poste sur la page Covid-19, moi j'ai trouvé que c'était très innovateur, déjà un, deux, c'était très complémentaire, parce que j'ai trouvé que j'ai vu les posts que les gars ont marqués. Il y a des restaurants qu'on ne connaissait pas et que ça leur a permis de découvrir. Et moi, j'ai trouvé ça. Voilà. Et c'est pour ça, tu m'excuseras, je t'ai volé, j'ai complémenté un peu ton idée, parce que les restaurants routiers qu'on a le matin à la radio, c'est très bien fait. Je vais chercher les restaurants routiers directement sur la page sur ta page. Et les gars, ils sont très heureux, quoi. Les retours que j'ai de mon côté aussi, que ce soit donc les chauffeurs que je croise sur la route ou dans les restos, et certains restaurateurs qui m'envoient un message ou qui mettent un mot sur le groupe. Oui, apparemment, oui, ça sert quand même pas mal. Ça sert honnêtement. J'espérais que ça ne marche pas. Ça aurait voulu dire que tout le monde arrive à bouffer correctement. Oui. Manque de peau, si ça marche. Ça marche, c'est beaucoup de boulot. Mais après, l'idée était, je pense que beaucoup l'ont eu. Moi, je l'ai mis en application, mais je pensais pas qu'on soit quasiment 25 000 membres. Le premier dimanche que je l'ai créé, on était à plus de 6 000 juste dans la journée. Beaucoup de restaurants ont répondu présent. Heureusement d'ailleurs, et encore merci à eux. Des transporteurs aussi nous ont aidés. Mais entre nous, je ne préfère que ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de problème sur la route, quoi. Oui, mais la différence, Pépito, la différence de ça, c'est que ce que vous avez fait, ça a été un complément qui n'existait pas avant. Une application, c'est une application. La seule chose, c'est que tu as remis les lettres de noblesse des chauffeurs routiers et les lettres de noblesse des restaurants routiers. Oui. Ça manquait quelque chose, mais vous avez su le faire. Et c'est là-dessus que pour moi, je vous tire réellement mon coup de chapeau, parce que les lettres de noblesse des chauffeurs routiers et des restaurants routiers, elle est venue grâce au confinement, mais tant mieux pour nous, dans le sens que vous avez réactivé l'intérêt de tout ça. Et à aujourd'hui, cette nouvelle application que tu as mis, elle est beaucoup plus regardée, parce que les gars, ils savent où aller chercher. On est de mémoire, j'ai pas les chiffres en tête exact. Je crois que la carte a été visionnée plus d'un million et demi de fois depuis qu'on l'a créée. Chapeau, et puis continue comme ça. Et puis je vais j'ai vu que tu avais passé hier quand même un post en disant après le confinement, à partir du 2 juin, on n'en sait pas plus, ils vont donner ça le 25 mai, hein, on va voir. Mais est-ce qu'il faut continuer la page ou pas? Alors, je t'ai mis un... Oui, mais ça, tu vas comprendre... Tu sais, nous, en radio, on a commencé avec rien. On a commencé avec très peu d'auditeurs. Aujourd'hui, on atteint 12 000, 20 000, tout dépend. Les actions qu'on fait, ce que nous, on rencontre aussi sur les postes que vous mettez. Et aujourd'hui, avec le confinement et puis les restos, on a de plus en plus de monde parce qu'on a donné l'intérêt. Et je te donne mon avis personnel. Je pense pas que quand ça va s'arrêter, que tu dois arrêter votre page. Elle demande seulement à être recasée, peut-être autrement, c'est sûr et certain. Mmh. Mais si vous coupez ce que vous avez fait, le travail formidable depuis 2 mois, laissez la part de travail que vous avez fait à des autres applications, pour moi, c'est pas possible. Parce que c'était un engagement de ce que vous avez fait, physique, tout ce qu'on veut. Et les restaurants routiers à qui vous avez donné la possibilité de venir dessus, ils comprendraient pas que vous coupez net, quoi. Tu comprends ce que je veux dire ? Je comprends ce que tu veux dire. Le point, c'est que je me suis posé la question. Alors, effectivement, pour le moment, le 2 juin, les restaurants en zone verte, je précise, devraient, entre guillemets, avoir le droit de réouvrir. Pour les zones rouges, je pense pas qu'ils aient fixé cette date encore. Pour l'heure, j'ai pas entendu l'info. Donc, oui, ma question, mon petit sondage que j'ai lancé hier, c'était, voilà, qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on reste pas? Essayer de repenser le groupe, si on le garde. Vu les commentaires que je reçois, il y a des chances que je sois pas encore au chômage demain avec le groupe. On va sûrement de le garder. Donc, il y a toujours la possibilité, l'idée, de créer une appli, sauf qu'une appli, financièrement parlant, c'est cher. Oui. Moi, personnellement, j'ai pas les deniers nécessaires pour ça. On a créé une petite cagnotte qui grossit pas suffisamment pour pouvoir faire cette application. Alors, oui. On a dit, bon, si on n'arrive pas au montant d'une appli, on fera un don de façon à une assoce. Je vais en regarder un petit peu ce qui existe, s'il y a pas d'assoce pour les enfants qui ont perdu un parent à cause du Covid, par exemple. Tout à fait. C'est une très bonne idée. Tout à fait. Ça n'atteste pas grand chose, mais voilà, faire un petit geste. Mais après, voilà, l'idée de l'application pour que ce soit plus utile, plus mieux fait, on va dire. Parce que nous, ça a été fait un peu à la va-vite. Et puis, je suis pas ingénieur informaticien, même si Adrien a des plus que des bases, on va dire. C'est vraiment des grosses connaissances d'infos. C'est lui qui nous a fait la carte. Oui. Après, oui, et le problème, c'est que l'appli, oui, pourquoi pas. Mais moi, je peux pas la payer, l'appli, quoi. Alors là où tu as raison, parce que je te donne l'exemple de la radio. Quand on l'a lancé, on a démarré avec rien. Hein. C'est-à-dire que la radio, on l'a commencé quand on l'a lancé avec Brigitte. Et encore aujourd'hui, une grosse partie. Mon métier, c'est routier, bien entendu, 48 ans. Je mets une grosse partie dans la radio. Alors, après, on se trouve sur un problème de dire... est-ce qu'on arrête? On n'arrête pas. Mais si tu arrêtes, on vous verra plus. Si tu continues, les choses vont s'améliorer petit à petit. Et aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on vous lance, et nous, en radio, on peut vous servir aussi de relais, puisque on est beaucoup écoutés hein, tous les jours aujourd'hui. C'est énorme. Et voilà. Et quand tu sais, nous, quand on a fait l'affaire Suliman, quand on a fait l'affaire Suliman, on l'a sorti vraiment, on a acheté une remorque, il y a eu plein de choses. J'ai suivi mon ami, t'inquiète. Voilà, ce que je veux dire par là, quand Brigitte, elle m'a dit, mais Daniel, qu'est-ce qu'on va faire? Je me suis pas posé la question, premièrement, je me suis pas posé la question pécuniaire. Je me suis posé la question humanitaire. Donc, ce qui veut dire humanitaire, ça voulait dire cette action. Il faut qu'on la fasse parce qu'on va en parler. Il va y avoir une ouverture que quelque chose. Et j'ai dit, Brigitte, on va le chercher. on met l'argent pour l'hôtel, pour la grue, pour la remorque. On n'avait pas du tout les moyens. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a privilégié l'action départ, comme vous avez fait. Et après, le domaine financier est venu. Donc, on a lancé aussi une cagnotte Litchi, qui n'a pas tellement bien marché, puisque les camionneurs du cœur ont rajouté, et moi, par mon travail, j'ai rajouté de l'argent là-dessus. Mais l'action, elle est là. Donc, à aujourd'hui, je pense que, vu comme le Covid va jusqu'au 2 juin, c'est bien de continuer comme ça. Après, vous allez vous trouver sur une période, est-ce qu'on garde ou pas et quoi que ce soit. On sait que ça coûte de l'argent, mais on est prêt à vous aider à faire des actions avec la radio des camionneurs du cœur. On est prêt à vous donner la main, à vous donner, un, la parole. Et puis, quand on va aller, puisqu'on est prévu, on va voir avec le Covid, on va se déplacer sur quelques grands prix qui restent et sur des petites manifestations qui va aller là-bas. Nous, ça ne nous empêche pas de nous déplacer là-bas et de vous faire une cagnotte pour vous soutenir dans le domaine de ce que vous allez faire. Ce serait dommage de tout couper et de laisser la part aux autres qu'on n'a pas vus, mais que vous êtes, pour moi, vous êtes une référence aujourd'hui, si bien pour les chauffeurs, si bien pour les restaurants, si bien pour les food trucks, parce qu'il y a des food trucks que vous avez marqué aussi dessus. Voilà. Et moi, je pense que maintenant, il va falloir évoluer. Et si vous avez besoin de la main, la radio, elle est faite pour ça. Nos déplacements seront faits aussi pour ça, de vous donner la main. C'est gentil. Donc, il faut regarder justement le si j'arrive à te retrouver. Voilà. Donc, tu vois, pour par rapport au petit sondage, donc pour savoir si c'est ou pas, là, au moment où je te parle, on a 1440 votes pour, voilà. On reste, et 91 qui marquent qu'on peut fermer la porte effectivement. Oui. Et on est à 250 commentaires. Dans les 250 commentaires, à part peut-être 3 ou 4 qui veulent qu'on arrête parce que pour eux, ils préfèrent faire là, ils ne servent pas du groupe. Alors, pour le moment, je pense qu'on va rester encore un peu là, on va encore vous embêter un petit peu. Mais après, voilà, l'idée de la cagnotte, voilà, c'est... Mais c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, parce que, tu vois, tout à l'heure, je vais avoir le terroir, oui, mes deux, je vais pas hésiter à poser la question, par exemple. Ouais, voilà, tu comprends ce que je veux dire? Je sais plus le nom des restaurants, on en a parlé tout à l'heure, oui, oui. Mais je sais qu'ils sont sur notre page, qui font d'ailleurs partie de ceux qui tous les matins on a le petit poste avec le menu du jour. Voilà, c'est ça. Et tu vois qu'ils se dégargassent, quoi. C'est pas un secret tous les jours, quoi. Tous les jours ils font des nouveaux plats. Je pense fortement que c'est du produit frais qui se dégargasse pour nous, quoi. Donc voilà. Après j'ai l'impression que s'ils font ça, c'est que le groupe les aide aussi, il n'a pas que les chauffeurs, il a aussi des restaurateurs qui sont aussi dans une merde noire. Mais après, ouais, c'est vrai que la question s'est posée, c'est normal. Le 2 juin, le déconfinement, l'ouverture des restaurants en zone verte, hein, toujours, peut avoir lieu. Donc oui, la question se pose, qui est logique, et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on s'en va? Tu sais, là, c'est vrai que pour le moment, je pense qu'on va rester, mais il va falloir effectivement repenser un petit peu, je pense, l'idée du groupe. Ah ben, c'est... Oui, ouais, c'est... Faire ça différemment, là on l'a fait un peu dans l'urgence aussi. Oui, mais si vous n'avez pas été là, franchement, entre nous, si vous n'aviez pas fait ça, qu'est-ce que, à aujourd'hui, au niveau des restaurants, des points de restaurant où les chauffeurs vont, si vous n'aviez pas fait ça, les pages, tout à fait au début, je suis dans telle région, est-ce qu'il y a un restaurant d'ouvert? Je suis là, sur Poitiers, est-ce qu'il y a un restaurant d'ouvert? Tout à fait au début. Alors aujourd'hui, la question se pose plus. Les gars, ils vont chez vous, ils regardent et ils savent. Et c'est ça qui est important. C'est après, le truc qu'il y a, c'est qu'on est les seuls à avoir fait ça. Mais le point qu'il y a, c'est par rapport à Trucklife, pour ne pas les nommer, c'est que leur carte n'est pas autant à jour que la nôtre. Voilà. On a la chance d'avoir Adrien et Jocelyn également, hein, merci tous les deux, ouais. qui mettent à jour la carte régulièrement. On a le retour des chauffeurs, c'est le plus important. Ah ben. Sans le retour des chauffeurs, on n'aurait jamais pu faire de carte. Voilà. C'était pas possible. Eh ben, et c'est un travail conjointement entre les chauffeurs. C'est ça. Tu vois, moi là, je vous tire, Adrien, toi, vous êtes trois dans l'administration, ou quatre avec ton épouse. Vous avez déclenché quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Bah, pour moi, alors ce que je veux dire, c'est peut-être très prétentieux de ma part. Si je choque, j'en suis désolé. Pour moi, il m'a semblé que... On a réussi à créer cette entraide qu'il y avait il y a 25 ans sur la route. Eh ben voilà, t'as tout compris. C'est ce que nous, voilà, avec... C'est l'impression que j'ai, quoi. C'est le retour que j'ai aussi sur la route, que des chauffeurs, hier, là où j'ai mangé, par exemple, à Saint-Sornin, c'est ce que m'ont dit certains gars, et de retrouver l'entraide qu'il y avait il y a 25, il y a 30 ans. Oui, mais c'est des gars comme ça toi, c'est des gars comme toi, c'est des gars comme nous, avec la radio qu'on fait, nous, on est revenus... À la marge de ce qu'était la radio avec Max Meynier, on est revenu à essayer de donner du lien entre les chauffeurs, les restaurants, revenir à une certaine entraide entre nous. Et qui c'est qui aurait imaginé les camionneurs du cœur il y a 4 ans, à démarrer avec 10 auditeurs, qu'aujourd'hui on peut se trouver jusqu'à 30 000 auditeurs. Ce qui veut dire aussi, c'est qu'on a recréé du lien, on a donné du lien avec des restaurants, avec tout, et des gars comme toi, ou comme nous on a fait avec Brigitte, parce que j'ai cru très fort au projet, je savais qu'il fallait qu'on s'adapte. Là, on est obligé de s'adapter parce qu'on va changer complètement le style de la, le style de la radio avec Stéphane, c'est magnifique, avec tous mes animateurs le samedi matin, avec Denis, avec Guy, et puis Nadia et Fred, ce qu'ils font le soir. Si t'es mieux, aujourd'hui, on a recréé un lien que ça n'existait pas. Et grâce à toi, par rapport à ce que tu as lancé, eh ben, c'est exactement ce qu'est le travail d'un chauffeur routier, ce qu'est le travail d'un restaurateur. Il a besoin qu'on les mette en avant. Vous créez ça, on a besoin de vous mettre en avant. Et nous, on se base sur vous pour prendre des restaurants routiers. Par rapport à ce que vous faites, Truck Flame, je te dis franchement, ça ne m'intéresse pas. C'est du gros groupe, c'est autre chose. C'est pas des chauffeurs. C'est exactement, c'est ce que vous avez fait. Et moi, je ressens beaucoup d'humanité, plein d'amour pour le métier qu'on fait, plein d'amour pour ce que les restaurateurs y font aussi. Et aujourd'hui, on a besoin de vous mettre en avant et vous dire chapeau bas les mecs, parce que voilà, on retrouve une certaine entraide. Ben merci. Merci beaucoup. Ben merci voilà. Beaucoup, bon... après, voilà. Mais voilà, c'est ça que j'aime chez toi. Continue comme ça, parce que des trucs comme ça, il faut pas y oublier, quoi. Tu comprends? Ouais, je comprends tout à fait, Daniel. Je comprends tout à fait ce que tu me dis. Ouais, c'est pour ça, la question se pose, moi en autre, tu l'as eu comme tu dis, on perd, on reste, on fait quoi? En plus, c'est normal que je la pose, je pense. Mais oui, quand tu vois les retours qu'on a, oui, ça serait peut-être dommage qu'on arrête maintenant. Est-ce que donc, tu crois... je pense qu'on va continuer. On va continuer, je pense. Parce que les données que tu as mis, des gros groupes comme ça, les données que tu as mis, automatiquement, si tu arrêtes, ces gros groupes, on va dire Truck Flame, ils vont aller sur ce qui existait et ils vont réincruster dans leur propre application le complément qui leur manque. Ah, mais c'est sûr. Eh ben alors. Alors, c'est sûr. Tenez bon, c'est les sûr. Gars. Sauf que le problème qu'on a, c'est que la carte n'appartient pas. Ouais. D'où l'idée, justement, de l'application, avoir une carte qui m'appartient, qu'on ne puisse pas piquer les données. Alors, nous, on a un gars qui s'appelle Jérôme, qui est en train de nous faire un nouveau site des camionneurs. C'est-à-dire qu'en fin de compte, sur ce site-là, tout sera en relation, c'est-à-dire dès que tu vas plier dessus, ça va te donner les artistes, les chauffeurs, les trucs comme ça, voilà. Et je vais poser la question à Jérôme, il va être enchanté de vous donner la main, parce que son métier, c'est ça, hein. D'accord. D'accord. Et on va, quand Brigitte va rentrer, on va ou Stéphanie, elle doit nous écouter, à mon avis, avec avec Eric. Stéphanie, si tu nous écoutes, et puis ou je te rappellerai tout à l'heure, de voir avec Jérôme qu'est-ce qu'on peut faire sur ce point de vue-là, parce que ce qu'il fait pour nous, c'est génial. Et je pense que tu auras un gars qui va être d'un grand secours pour vous. Bah écoute, ça serait super sympa de voir ce qu'on peut faire effectivement. Tu as mon numéro, hein, tu peux lui communiquer sans aucun problème. Voilà, donc, sans, on voit sans effectivement problème. Ce qui est faisable de gérer, parce que à mon avis, le mieux, ça serait vraiment basculer sur une appli plutôt que sur un groupe Facebook. Alors regardez quand même le groupe pour pas tout clôturer, mais surtout basculer sur une appli, ce qui permettrait d'avoir une carte peut-être mieux structurée, peut-être plus utile, peut-être plus lisible, je sais pas, parce que certains chauffeurs me disent « Ouais, mais ta carte, on n'arrive pas bien à comprendre. » Donc, on a fait des tutos en expliquant comment il fallait travailler, comment il fallait tout brosser avec. Mais moi, c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis déjà quelques temps, on va dire. Mais le truc, je ne sais pas faire. Quand on sait faire, on sait faire. Quand on ne sait pas faire, on sait voilà, pas faire. Voilà, chacun son métier. Chacun son métier. Voilà. Mais je te promets qu'on va poser la question à Jérôme. Et je pense que il va être. Je pense que ben voilà, parce qu'il est venu nous voir et il nous a expliqué beaucoup de choses, parce que on a chacun son métier, hein. C'est ça. Voilà. Mais lui, c'est son domaine, créer des nouvelles pages, des trucs comme ça. On va lui poser la question. On te mettra en rapport. S'il dit oui, on te mettra en rapport avec lui. Et tu vas voir, c'est un petit jeune. Hein, et il travaille la semaine, mais il travaille beaucoup sur le nouveau site qu'on va avoir, où tout est relié l'un à l'autre, en fin de compte. Et c'est ça qui vous manque, tu vois ? Et je pense. Ben écoute, franchement, Pépito, ce fut un grand, grand plaisir. Stéphane, est-ce que tu as une question à poser ? Oui, Pépito, j'ai vu, il y a plus de 24 000 membres sur le groupe. Oui, c'est ça, hein, plus de 24 000 membres. Allô ? Oui, d'accord. Oui, Pépito, t'es là ? Oui, moi je suis là, oui. Oui, Stéphane, tu l'as entendu, non ? Il a dit qu'il y avait plus de... J'entends mal, mais j'ai entendu. Ouais. Je vais te dire en temps réel, bouge pas, laisse-moi regarder ça. Au moment où on parle, nous sommes, je réactualise, 24 881 pour être précis. Oui, génial. D'accord. Voilà. Stéphane, plus précis que ça, je peux pas. Plus précis que ça, Stéphane, il peut pas. Ah non. Moi, ce que je te propose, Pépito, on est prêt à relier beaucoup les informations dans ce que vous faites. Oui, voilà. Absolument, oui. Et pour l'évolution, si tu as besoin, on peut en parler, on peut vous donner la main, et on serait très fiers, parce que ça reste le domaine du routier, du restaurant et de tous ces gens qui nous entourent et qui nous entourent en même temps. Et au niveau de avec les restaurants qu'on va voir, on va poser la question. Voilà, est-ce que c'est possible de... Tu avais dit la somme de base était 5 euros, hein, c'est ça ? Ouais, ben voilà, on s'est posé la question, pourquoi pas dire, pour financer l'appli. Demander peut-être une participation au restaurateur, je sais pas, c'est une idée comme ça. On est vraiment à tâtons. Donc on a lancé on réfléchit aussi peut-être à ça. Je sais pas. Honnêtement, on avance un peu à l'aveugle. J'ai jamais créé un groupe Facebook. C'est mon premier. Des fois, on fait des conneries. On n'est pas parfait, malheureusement. Non. Moi, je dis pas. Mais je dis pas on fait des conneries, on évolue par rapport aux échecs ou par rapport on évolue fur et à mesure, hein. On grandit dans erreur. Voilà. On en a parlé, tiens, et si on demandait de participation au restaurateur ou pour juste pour papa pour gagner de l'argent pour financer. Voilà, c'est ça. C'est ça. Eh ben écoute, à voir, je sais pas. Eh ben écoute, tous ceux qui t'ont écouté, parce qu'il y a un paquet de monde qui t'ont écouté ce matin, l'idée est lancée, et puis nous, on va poser les questions. Voilà, on va poser les questions, Et puis, ça va faire une petite, ça va faire une marche en plus, parce que ce qu'on voit sur Facebook.